بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا عن التوحيد، ونحن في الجلسة السابعة. Donc nous continuons à parler du monothéisme, et c'est notre septième cours inshallah autour de ce sujet. فداء الشرك أخ الإسلام داء عظيم، وخاصة الشرك في الدعاء. فالدعاء هو أساس دعوة الأنبياء إلى التوحيد، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث أصح وأصرح من الحديث الضعيف: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف في عبد الله بن لعيعة، وهو معروف بأنه مخلط وسيء الحفظ. والدعاء مخ العبادة يوهم أن في الدين قشرا ولبا، والدين كله لب لا قشر فيه. فإن الله عز وجل l'associationnisme c'est l'une des grandes maladies, c'est la plus grande des injustices, et c'est le cancer de l'humanité. Et surtout l'associationnisme au niveau du dua. Dua, c'est la base de la da'wa des prophètes والسلام, vers le monothéisme. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: dua, c'est l'adoration. Ça, c'est le hadith authentique. Dua, c'est l'adoration. Et c'est le hadith clair. Hein? Il y a un autre hadith qui est un hadith da'if. Le hadith, il dit que dua, c'est la moelle épinière de l'adoration. Et ce hadith n'est pas authentique. Parce que dedans, il y a Abdullah ibn La'iha qui est connu pour mélanger, qui a des problèmes dans sa mémorisation. Hein? Et donc, son hadith, ce hadith-là, dua, c'est la moelle épinière de l'adoration, il est mis de côté par les hommes de science. Et en plus, ce hadith suppose que dans la religion, il y a quelque chose qui s'appelle la moelle épinière, quelque chose qui est la crème, et autre chose qui est les plus sûres. Alors que dans la religion, il n'y a ni plus sûr, il n'y a rien de tout ça. Tout, hein, toute chose fait partie de la religion. Il n'y a pas les plus sûrs, il n'y a pas, comme disent les harakistes et les activistes. Hein. Dans la religion, tout c'est la crème. Il n'y a aucune plus sûre. Dans le hadith al-mahfoudu al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam al-sahih, huwa al-du'a huwa al-ibada. Faman da'a Allah azza wa jalla faqad 'abada Allah. ومن دعا الله ودعا غيره فقد جعل لله ندا وأشرك مع الله آلهة أخرى. Donc le hadith authentique le dua c'est l'adoration. Celui qui demande à Allah, celui-là il a adoré Allah. Et celui qui demande à Allah, il y a quelqu'un d'autre, celui-là a fait un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا نحن عرفنا الله عز وجل فلا يمكن أن ندعو إلا الله وحده لا شريك له، لا يجوز أن ندعو محمدا عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن ندعو غير محمد عليه الصلاة والسلام من صالح هذه الأمة ومن أوليائها. ونعلم أن أكثر الشرك حصل الذي حصل في الأمم حصل بسبب تعظيم القبور. Donc ici on connaît Allah عز وجل. Il est impossible qu'on demande à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on connaît Allah, on va demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui faire de soucis. Il n'est pas permis de demander à Mohammed alayhi salatu salam, et encore moins à aux vertueux de cette communauté, aux pieux de cette communauté. Et qu'il faut qu'on sache que tout l'associationnisme qui est arrivé dans les communautés est arrivé à cause du fait de vénérer les tombes. De vénérer les tombes, partant de là, vénérer les morts qui sont enterrés dans ces tombes. فالقبور عظمت أن تتراخى الإسلام وبني فوقها وزخرفت وزينت واتخذت فوقها المساجد وبمرور الوقت عبدت من دون الله عز وجل. الله عز وجل comme tu le vois à travers le monde musulman, les tombes ont été vénérées, ils sont vénérés, ils sont embellis, hein, des belles constructions. Les justes comptent, hein, comment ils s'appellent de des Émirats est mort. L'émir des Émirats est mort. Qu'est-ce qu'il a dit le Jufri? Fait un énorme mausolée dessus. Hein? Et on incite les gens à construire, hein, des mausolées et à élever les tombes, contrairement à la sunna du prophète alayhi salatu salam. Et quand les tombes sont embellies et qu'on construit des mausolées dessus, et après dessus des mosquées, qu'est-ce qui arrive après? C'est l'adoration. Ça amène directement, c'est la porte vers l'association, vers le fait d'adorer directement la tombe et de faire des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous n'avez pas besoin de médecin, de dessin. Devant vous, le Maghreb, l'Égypte, la Syrie, et vous passez. Hein, vous faites le tour de la carte du monde musulman, vous allez voir. Il n'y a pas un lieu où on ne tourne pas autour des tombes. Il y a un seul lieu qui est épargné de ça. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, c'est le royaume d'Arabie Saoudite. C'est tout. Grâce à cet effort et à cette réforme qu'a accompli l'imam Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah alayh. D'où la haine qu'ils ont les sophies contre eux, et qu'ils les traitent de wahhabites. Hein? Pourquoi? Parce que justement, ils ont combattu cette adoration des tombes. Hein? Ils ont coupé court à ses intérêts, à ses caisses. Parce qu'à côté des tombes, il y a des grandes caisses. Hein? Et les gens ramènent des offrandes. Il y a de l'argent. Ça brasse beaucoup d'argent. Et donc, ceux qui vivent sur ces caisses, il est évident. Hein? Imagine les racketeurs dans une ville, tu veux venir leur couper, leur vivre. Comment ils réagissent mal? C'est la même chose. C'est une sorte de mafia aussi. Mais seulement, c'est une mafia déguisée au nom de la religion. Hein? Allah le musta'an. ولا تعجب أيها الأخ الكريم إذا علمت أنهم يجعلون للأولياء الصالحين تخصصات فيقول لك أحدهم إذا أردت الأولاد فاذهب إلى سيدهم إبراهيم في ضواحي مراكش وإذا أردت أن تشفى من الروماتيزم فاذهب إلى بومبع بالليفة زقورة وإذا أردت أن تشفى من فعليك ب سيدي أبو سعيد وإذا أردت أن تتزوج فعليك بسيدي يحيى وتأكك وغادي كل واحد تخصصات ديالو ها دونك اي ne sois pas étonné frère en Allah عز وجل que maintenant même ces saints hein on leur donne des spécialités et si tu veux avoir des enfants faut que tu ailles vers Sidon Brahim dans la région de Marrakech hein. Et si tu veux te guérir du rhumatisme, tu vas dans la région de Tangroute, dans la région de Zagora. Si tu veux rencontrer une femme, tu vas à Sidi Hia. Si tu veux. Et ils ont mis des spécialités. Tu veux l'intelligence, tu vas à Moulqsor. Moulqsor, c'est-à-dire le patron des arcades. C'est dans des petites ruelles de Marrakech. Et les mamans croyaient que tous les mercredis, quand si on traîne le gamin là-bas, il lui fait manger quelques raisins avec la fourchette trempée dans de l'eau de la fontaine de ce sanctuaire, ben il aura l'intelligence. Hein? On en a mangé beaucoup, mais on n'a pas vu d'intelligence. Hein? Je ne sais pas où il est. Assallah subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. وصدق القشيري رحمه الله في كتابه السنن والمبتدعات حيث كتب هل من عقول تباع فاشتريها لأمثال هؤلاء il a dit vrai sur Shiqairi rahimahullah ta'ala dans son livre Sunan, les Sunan et les innovations, quand il a écrit est-ce qu'il y a des raisons qui se vendent pour qu'on les achète à ce genre de personnes. Mais malheureusement, les raisons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui comble le bien, qui comble la personne d'une saine raison ou pas. وصدق رب العزة يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Il est dit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ce ne sont pas les yeux qui sont aveuglés, mais c'est les cœurs qu'il y a dans les poitrines qui sont aveuglés. فالتوحيد هو حق الله على العبيد والشرك هو أعظم الذنوب وبالحديث الذي مر معنا أن الدعاء هو العبادة فيجب أن نخص الله سبحانه وتعالى بالدعاء. Donc le monothéisme, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Et l'associationnisme, c'est la plus grande des injustices. Et dans le hadith qui est passé avec nous, dua, c'est l'adoration. Et nous devons réserver notre dua et nous demander qu'à Allah Azza wa Jal. فَمَنْ دَعَ اللَّهَ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهُ وَمَنْ دَعَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَدْعُو مَحْبُوبًا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَبَرَّأُ مِنْ شِرْكِ هَذَا الَّذِي دَعَاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبُّنَا يَقُولُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وهذا بنص القرآن سماه الله سبحانه وتعالى شركا حتى ولو كان المدعو محمدا عليه الصلاة والسلام ولو كان عيسى وبرأ الله عيسى من الشرك وبرأ رسولنا كذلك من الشرك. Donc, faisons Allah Azza wa Jal, celui qui demande à Allah, il adore Allah. Et celui qui demande à quelqu'un d'autre qu'Allah, dans ce que ne peut donner qu'Allah Azza wa Jal, il a adoré autre avec Allah Azza wa Jal. Même si c'est celui à qui il a demandé, il est mémé d'Allah Azza wa Jal. Et il a sa place chez Allah Azza wa Jal. Parce que le jour de la résurrection, celui à qui on aura demandé, il va nous désavouer. Il nous va désavouer l'associationnisme dans lequel on est tombé. Et dans le fait de lui avoir demandé en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, le jour de la résurrection, ils vont mécroire en l'associationnisme. En le fait que vous les avez pris, comme associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le texte est clair, il dit que ça, c'est de l'associationnisme. Fait de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé associationnisme. Même si celui à qui on demande c'est Muhammad alayhi salatu wasalam, ou si c'est Isa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont Muhammad alayhi salatu wasalam et Isa de l'associationnisme dans lequel, et du culte que lui voulent les personnes. Donc les prophètes alayhi salatu wasalam, ils sont innocents de ce que font les gens, parce que jamais un prophète n'a appelé son peuple à lui réserver le culte ni à l'adorer. وفي بعض رواية هذا الحديث الدعاء والعبادة يقول عليه الصلاة والسلام بعد الحديث أما سمعتم قول ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc, et dans certaines versions de ce hadith, après que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a cité le hadith, دعاء, c'est l'adoration, il a dit aux compagnons, est-ce que vous n'avez pas entendu la parole de votre souverain qui dit « Demandez-moi, je vous exauce. » Car ceux qui s'enorgueillent de mon adoration vont rentrer en enfer. فَالْآيَةُ بَدَأَتْ وَقَالَ رَبُّكُمْ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي لَمْ تَبْدَأْ بِقَوْلِهِ اُعْبُدُونِي وَلَكِنْ اُدْعُونِي ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي ولكن قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فدل على أن الدعاء هو العبادة. Regarde avec moi, le verset il a commencé ainsi. Votre souverain a dit demandez-moi. Et il n'a pas dit votre souverain a dit adorez-moi. Il a dit demandez-moi. Et la suite, il n'a pas dit que ceux qui s'enorgueillent demandent dua, mais il a dit ceux qui s'enorgueillent de m'adorer, de mon adoration, vont rentrer en enfer. Et il a fait que le dua, c'est l'adoration. par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du'a, c'est l'adoration. Le verset, il a commencé avec « Demandez-moi ». Et à l'intérieur, il a dit « Ceux qui s'enorgueillent de me réserver le culte, de m'adorer. Hein » Et là, ça prouve que du'a, c'est l'adoration. Ça te prouve aussi autre chose. C'est que la parole d'Allah et la parole du prophète, alayhi salam, sa source, c'est la parole d'Allah. Zawjali, c'est une révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que la parole du prophète, alayhi salam, dans la parole du prophète, il n'y a aucune contradiction avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et seulement, la parole du prophète, alayhi salam, vient souvent en éclaircissement et en détail, pour détailler, pour donner plus, hein, et pour donner plus de détails de la situation qui est citée dans le Coran globalement. وهنا يقول أهل العلم الأخ المسلم الذي بدأنا معه الحوار في البداية عن معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلا يستعان إلا بالله وأنت تقرأ في كل ركعة من صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين توحيد لم يقل نعبدك ونستعين بك أو نعبدك ونستعينك ولكن قال إياك نعبد وإياك نستعين تقديم المفعول ها فيه دليل على الحصر والقصر أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. Donc, ici les hommes de science disent, frères en islam, avec lequel on a commencé le débat sur la signification de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, que on doit demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le secours, on ne le cherche qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a le verset qui dit, quand vous demandez secours à votre souverain, il vous a exaucé, il a répondu à votre demande. Donc on cherche aide qu'auprès d'Allah. Et parce que dans chaque rak'at de ta prière, tu dis, toi seul nous adorons, et toi seul, auprès de toi seul nous cherchons aide. Et remarque, dans le verset, il n'est pas dit, nous t'adorons et nous cherchons et on te demande aide. Mais il a mis en avant ici le compliment, toi seul, nous adorons, il a mis le compliment ici, et les hommes de science disent, quand le compliment est arrivé, c'est que c'est voulu, et c'est pour arrêter la situation, pour la stopper, à un point bien précis, c'est-à-dire que le culte doit être réservé, exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et que l'aide dans ce que ne peut faire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne doit être demandée que d'Allah. فتقديم المفعول دليل على الاهتمام به ومقصود بالدرجة الأولى. Le fait d'avoir le complément avant le verbe est voulu. Et c'est très important pour attirer l'attention sur le fait que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'isti'ana doit être demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme d'adoration aussi. Comme l'istighatha, comme le fait de demander secours. Ce sont des formes d'adoration qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Faman da'a ghayra Allah faqad ashrak wa man ista'ana bighayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah faqad ashrak wa law nataqa bila ilaha illa Allah alf alf marra. Fala ilaha illa Allah ma'naha wa ifradu Allah bil ibadati 'azza wa jalla. والعبادة اسم جامع كامل لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Et celui qui demande autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tombé dans l'associationnisme. Et celui qui cherche aide auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah et qu'il demande aide à quelqu'un d'autre qu'Allah, lui demande ce que ne peut faire aucune personne. Mais ce qu'il lui demande, c'est il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, celui-là aussi est tombé dans l'associationnisme. Même s'il dit 1000 fois ou 1 million de fois la ilaha illallah, et en demandant à un mort de lui donner des enfants, alors que les enfants, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les donne, ben il est tombé dans l'associationnisme. Parce que la ilaha illallah, sa signification, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est pas tout simplement, c'est un nom qui englobe beaucoup de choses. Comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, hein, c'est l'adoration et quelque chose qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les paroles apparentes et cachées, c'est-à-dire les paroles des cœurs et les paroles de la langue, et parmi les actes apparents, c'est-à-dire les actes cachés, les actes du cœur et les actes que tu fais avec tes membres. Et tant que ces paroles et ces actes sont agréés min Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. Le fait d'enlever un mal sur le chemin pour qu'il ne fasse pas du mal aux gens, ben c'est un acte d'adoration. Le fait de sourire quand tu rencontres ton frère en Allah, c'est un acte d'adoration. Hein? Le fait de donner une aumône, c'est un acte d'adoration. L'adoration ne s'arrête pas tout simplement aux piliers, aux cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers, c'est la base de l'édifice. Et tout édifice a besoin de piliers. Hein? On ne peut pas arriver comme ça et construire une maison sans fondation. La même chose, l'islam est basé sur cinq piliers. Et ces cinq piliers, c'est les piliers, mais autour duquel tu vas construire ton édifice. Et tu vas œuvrer et faire des actes. Hein? Et ces actes, ils doivent être construits sur ces piliers-là. Hein? Sur la ilaha illallah, qui est le principal pilier, qui est le monothéisme. Et après, sur la prière, et ainsi de suite, etc. Et quand tu regardes, tu as un terrain, hein, et tu as fait la fondation de ton terrain et tu as fait les piliers de la maison. Est-ce que, gars, en mettant les murs, tu vas habiter? Non. Il faut le toit. Après le toit, il faut la salle de bain, il faut la moquette, il faut, etc. Avant de pouvoir y rentrer. Hein? La même chose. Les piliers de l'islam, c'est obligatoire, il faut les ramener, mais ils ont besoin d'autre chose. La prière a besoin de prières surrogatoires. Parce que quand tu vas te retrouver devant Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, ben la première chose sur laquelle il va y avoir les comptes, c'est la prière. Allah, il sait ce que tu as fait et ce que nous avons tous fait. Mais il dira aux anges, regardez sa prière, il regarde la prière. S'il y a des problèmes dans la prière, regardez s'il a des surrogatoires pour combler les lacunes qu'il a dans sa prière. Hein? Partons de là. Et sur tous les autres actes, ça va être la même chose. Partant de là, ceux qui disent « ça c'est juste une sunna », ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Au moment le plus difficile, hein, qui est le jour où tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala pour les comptes, à ce moment-là tu te rendras compte, qu'est-ce que ça veut dire la sunna. Parce que s'il n'y a aucune sunna pour combler tes lacunes et tes défauts que tu as eus dans ta prière et dans les autres adorations, comment tu peux t'en sortir? Il n'y a, dans ces cas-là, il ne reste que la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Hein? De ceux qui... Ça, c'est juste une sunna. Pourquoi vous cassez la tête aux gens? Ça, c'est juste une sunna. Ça, c'est des futilités. Ce n'est pas le moment de s'occuper de ça. Subhanallah, il ne sait pas, le pauvre, qu'il est en train de dire des énormités. Et il doit se repentir de ces paroles qu'il dit. Parce que s'il croit ce qu'il dit, c'est trop dangereux pour lui. فلا نتقرب لغير الله بشيء من العبادات فالصلاة عبادة فلا نتقرب بصلاتنا إلا لله سبحانه وتعالى فالذبح عبادة فلا نذبح إلا لله سبحانه وتعالى والاستغاثة عبادة فلا نستغيث إلا بالله كذلك الدعاء عبادة فلا ندعو إلا الله وحده لا شريك له وهكذا وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد ف nous devons pas nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapprocher de quelqu'un avec ce qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes d'adoration, nous devons les réserver à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. La prière, c'est un acte d'adoration. Donc notre prière doit être pour Allah. Le fait d'égorger, c'est un acte d'adoration. Donc nous devons le faire pour Allah. Le fait de sacrifier, c'est un acte d'adoration. Nous devons sacrifier pour Allah, Azza wa Jal. Et au nom d'Allah, Azza wa Jal. Demander secours est un acte d'adoration. Nous devons le demander qu'à Allah Azza wa Jal. Dua, la demande, c'est l'adoration. Donc nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il est dit dans le verset, dis, ya Muhammad, ma prière, mes sacrifices, mérite, ma vie, ma mort, sont pour le souverain des mondes, qui n'a pas d'associé. Et c'est ainsi qu'il m'a été ordonné, et je suis parmi les premiers soumis, parmi les premiers musulmans. Dans ce verset, il y a affirmation après affirmation. Affirmation après affirmation, ce qui te prouve que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu lillah, faman salla li ghayrillah faqad ashrak, wa man nasaka li ghayrillah faqad ashrak, wa man tafa bi qabrin faqad ashrak. والشرك لا يغفره الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc la prière, c'est une adoration. Celui qui prie pour autre qu'Allah عز وجل, il a associé, il est tombé dans l'associationnisme. Le sacrifice, c'est quelque chose qui doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on sacrifie pour quelqu'un d'autre qu'Allah, on est tombé dans l'associationnisme. Le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est un acte d'adoration. Et celui qui tourne autour d'une tombe, il a associé Allah, Azza wa Jal. Et l'associationnisme, c'est le plus grand des péchés avec lequel on a désobéi Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pardonne jamais. Jamais. Allah, il est dit dans le verset, Allah ne pardonne pas l'associationnisme. Et en dehors de l'associationnisme, il pardonne à qui il veut. En dehors de l'associationnisme, il pardonne à qui il veut. أقل من الشرك لعل الله يغفره الإنسان وكل إنسان تحت مشيئة الله مات رجل على الزنا وهو موحد ولم يتب من الزنا لعل الله أن يغفر له فأمره إلى الله إن شاء غفر له تكون هذه رحمة الله وإن شاء عذبه وتكون هذه عدالة الله يكون عذبه بعدله وإذا رحمه رحمه بفضله ولا نقول بكفر الزاني ولا السارق كما تقول الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر مات رجل على السرقة وهو موحد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وقس على هذا كل الأعمال إلا الشرك يموت عليه الإنسان فهذا أمره أمر خطير فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. Plus bas que l'associationnisme, la personne quand il meurt, il est sur le mashi'a d'Allah سبحانه وتعالى. Si Allah il veut le châtier, il va le châtier. S'il lui pardonne, là il fait ce qu'il veut. S'il lui pardonne, c'est par clémence de sa part. Et s'il le châtie, c'est par justice. Un homme est monothéiste, il est mort au commettant l'adultère. Et il ne s'est pas repenti de l'adultère qu'il faisait. Pas cette personne, sa situation appartient à Allah. Puisqu'il est monothéiste, soit Allah il va lui pardonner, soit Allah il va le châtier. Il reste sur ce que veut Allah, subhanahu wa ta'ala, il fera de lui. Un voleur, la même chose qui est monothéiste, et qui est mort sans se repentir de ses actes. Ben, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut le châtier, il va le châtier. Et si Allah il veut lui pardonner, il va lui pardonner. Et donc, et on ne dit pas, comme disent les Khawarij, que ceux qui tombent dans les péchés capitaux, que c'est des mécréants. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afi. Tant que la personne est monothéiste, même s'il a des péchés capitaux, il est dans une situation moins grave que l'associateur, qui a fait beaucoup de bonnes œuvres. Tu prends les associateurs de la Trinité, et les têtes d'affiche que tu connais, avec tout ce qu'ils font, pour les lépreux qu'ils font, pour les affamés du monde, etc. Avec l'associationnisme, tout ce qu'ils ont fait, ça part en miettes. Comme s'ils n'avaient rien fait. Parce que la chose principale pour l'acceptation des actes, il n'est pas là. Qui est le monothéisme. Il n'est pas là. Donc la base n'est pas bonne, donc tout tombe. L'édifice ne peut pas tenir. Si la fondation n'est pas bien faite, à un moment donné, la maison il tombe. Ben, c'est ce qui arrive à la société. Malgré les bonnes œuvres qu'il fait, ben, ça ne tient pas. Le jour de la résurrection, tout tombe. Sauf, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Amma in mata al-insanu ala al-shirk wa lam yatub fa inna Allah la yaghfiruhu abadan. Amma at-tawbatu ikhwat al-islam fa innaha tajubbu ma qablaha wa tamhuha. فمن كان منا يقع في شرك وهو لا يعلم فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتوب الله عليه فالتوبة تبحو كل الماضي. Donc, si la personne meurt sur l'associationnisme et ne se rompt pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Quant au repentir, le repentir efface ce qui s'est passé auparavant. C'est parmi nous, il y a des gens qui commettaient l'associationnisme auparavant. Hein? Sans le savoir, il faut tout simplement qu'ils se repentent. Hein? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Hein? Car le repentir efface ce qui s'est passé. فَالصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ منهم من كان في الشرك ألم يقل بعضهم أنه يبين لك سفاهة الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام يخرجون إلى السفر فيأخذون معهم حجارات وهذه الحجارات كانوا يطبخون عليها وإذا نهوا الطبح يسجدون لها ويعبدونها من دون الله وفي بعض الأحيان لا يجد حجارة فيأخذ العجواء هذه الثمر ف يسيره آي يعطيه صورة صنم فيعبده فإذا جاءه الجوع أكله أكل ربه لكنهم بإسلامهم وبانقيادهم لله سبحانه وتعالى وباتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام لعل الله بدل سيئاتهم كلها لأن ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لكمبانيون محمد عليه الصلاة والسلام خيرنا الله عز وجل avant l'islam ils étaient dans quoi. Et regarde leur situation, comment il a changé avec l'islam, avec le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir suivi Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi eux nous comptent comment la bassesse dans laquelle ils étaient, quand ils partaient en voyage, ils prenaient avec eux des voix, trois pierres. Hein? Et ces trois pierres, ils s'en servent pour, comme pour faire le fourneau pour cuire leurs aliments quand ils ont faim, et en même temps ils les adorent. Hein? Des fois ils oublient de prendre les pierres, les dates qu'ils prennent, ils les malaxent, ils leur donnent la forme d'une statue, ils l'adorent. Et au moment où ils ont faim, ils mangeaient leur divinité. Ils l'ont adoré il y a 5 minutes, 5 minutes après, il est dans son ventre, il va sortir. Hein? Ainsi, ils te montraient la bassesse dans laquelle ils étaient, et à quel degré, hein? Au degré le plus bas dans lequel ils étaient, mais avec ça, ils sont rentrés. Quand une fois qu'ils se sont repentis, qu'ils ont répondu à l'appel de Mohammed alayhi sallam, ils sont rentrés dans l'histoire par sa plus grande porte. Et ils ont eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a changé leurs erreurs en hasanat. Parce qu'il est dit dans le verset, ceux qui ne demandent pas à quelqu'un d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne tient pas une âme qu'avec son droit, et qui ne commettent pas l'adultère, et celui qui fait ça, qui est ici, il va avoir un énorme châtiment. Et le châtiment lui sera redoublé le jour de la résurrection. Et il y sera éternel. Sauf ceux qui ont cru, hein, sauf ceux qui se sont repentis d'abord, cru, fait bonne œuvre, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, va changer leur mauvaise œuvre en hasanat. Hein. Le monothéisme, c'est quelque chose de très bénéfique pour la personne. Et l'associationnisme, c'est la catastrophe pour la personne. Le monothéisme va amener la personne vers l'agrément d'Allah. Et l'associationnisme va le ramener vers la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Fa ذلك الذي كان يدعو غير الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه صفات المؤمنين عباد الرحمن، أي لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى. فمن دعا مع الله إلها آخر فقد أشرك. فإذا تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله عفوا غفورا رحيما. Donc, celui qui auparavant demandait à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, ceux qui ne demandent pas à autre qu'Allah. Et ça, c'est la caractéristique du croyant. Il ne demande qu'à Allah. Les serviteurs du clément demandent qu'à Allah, azza wa jal. Et celui qui demande à quelqu'un d'autre qu'Allah, il a associé. Et s'il se repent, Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte son repentir. Parce que dans la fin du verset, il est dit, sauf ceux qui se sont repentis, crus, fait bonne œuvre, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala change leur mauvaise œuvre en hasanat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le clément, il est le pardonneur. فالشرك أخى الإسلام إذا مات صاحبه عليه لا يغفره الله عز وجل. أما إذا تاب في حياته فإن الله لا يرد تائبا أبدا. فعلى من ابتلي بشيء من الشرك أن يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل وينصلح ما فاته وأن يصحح عقيدته. Dans l'associationnisme, frère Allah, Azza wa Jal, quand il meurt, quand la personne qui est dans l'associationnisme meurt, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne plus. C'est fini. S'il meurt sur l'associationnisme, c'est perdu. Mais s'il se repent durant sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette aucune personne qui se repent. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de tout un chacun. Donc tous ceux qui sont éprouvés avec l'association doivent accourir vers le fait de se repentir, hein, et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire mieux et œuvrer dans le bon sens et authentifier leur dogme et leurs croyances. Ouais, يقول العلماء إن المسلمين ما ابتلوا بما ابتلوا به من ظلم الظالمين وتسلط الكافرين عليهم إلا بسبب وجود الخلل في عقائدهم. Donc, les hommes de science disent que les musulmans ne sont éprouvés avec ce qu'ils sont éprouvés par l'injustice des gens qui commettent des injustices sur eux et par le fait que les mécréants ont pris le dessus sur eux. C'est parce que tout simplement ils ont des lacunes dans leurs croyances et qu'ils tombent dans l'associationnisme. Et tu n'as pas besoin de dessin. La situation est devant toi. Regarde cette communauté, comment elle est au plus bas degré de l'échelle de l'humanité maintenant. Et regarde ce qui se passe à Gaza. Et tu n'as pas besoin de dessin. Pourquoi? Bah, regarde autour de toi l'associationnisme, comment il est. Peut-être avec toi à la maison. Hein? C'est avec toi à la maison. Et on ne peut pas triompher. Une communauté, hein, dans une grande partie, et dont l'associationnisme ne peut pas triompher. C'est impossible. Il faut Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun Aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu bayna ahadin min rasulihi. Il est dit dans la fin de Sourat al-Baqarah que le prophète a cru et les croyants ont cru, tous ont cru. C'est-à-dire qu'ici, il faut le minimum de la foi obligatoire dans toute la communauté. La foi complète, il n'est pas demandé pour le triomphe. Mais il faut le minimum, l'obligatoire au niveau de la foi. Et l'obligatoire au niveau de la foi empêche de tomber dans l'associationnisme et de tourner autour des tombes et de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cham, là où se passe maintenant le malheur de la communauté musulmane, il faut voir le nombre de tombes qu'il y a. Hein? Il faut voir les sacrifices qui se font pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ce n'est pas avec les grèves de la faim ou là avec les manifestations, là avec les sit-ins, qu'on va revenir à ça. C'est impossible. Ça, c'est de la perte du temps. Là, c'est de se donner en spectacle à l'ennemi d'Allah. On se donne en spectacle. En braillant dans les rues, en criant dans les rues, ben, l'autre, il dit, ouais, on leur a fait mal. Ils ne connaissent pas le chemin pour nous vaincre. Laisse-les, on a encore du temps. Hein? Imagine le juif sur les Champs-Élysées, il ouvre sa terrasse, il ouvre sa fenêtre, et il regarde ces jeunes musulmans avec des hijabs qui crient « Au secours, ramenez-moi un hijab !» et c'est Mohamed et Abdullah dont leur tenue ne ressemble pas ni à Mohamed ni à Abdullah, mais ils ressemblent plutôt, je te laisse imaginer, hein. Ben, il les regarde brailler comme ça, et on m'excite comme ça, et etc. Et ben, on est tranquille, il ne nous dérange pas pour l'instant, il referme la porte de son balcon, il retourne dormir tranquille. Laisse-les. Tant qu'ils agiront ainsi, nous avons du temps devant nous. Hein? Le triomphe de cette communauté, il est dans le fait de revenir à la religion, et d'accomplir la religion comme le veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme le veulent les démagogues des partis et les démagogues de ces groupes islamiques, que ce soit l'Ikhwan, que ce soit l'Etablir, que ce soit le Hamas, que ce soit... Hein, tout ça, c'est du pipeau. Ils sont en divergence avec la voix de leur prophète, alayhi salam. Ils ne peuvent pas ramener le triomphe. Et d'abord, on ne va pas chatouiller le diable dans sa queue et après on crie au secours. On sait que notre communauté est faible, pourquoi la jeter dans la gueule du loup? Et on sait que l'ennemi, il est plus fort que nous au niveau matériel, pourquoi aller le chatouiller? Pourquoi aller le provoquer? Et après on pleure. Nous devons faire, comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, quand on est faible, on prend les versets de la faiblesse. Kufu aydiyakum, retenez vos mains, hein? Retenez vos mains, et on s'éduque. On refait, on éduque la communauté à connaître son souverain et à obéir à son message et à suivre son message, alayhi salatu wassalam, et accomplir la religion pour que le triomphe arrive après. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous faites triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il vous fera triompher. Mais pas, c'est pas les sit-ins qui vont faire triompher cette communauté. Hein? Loin de là. Et c'est pas les drapeaux. Vas-y, lève les drapeaux, t'as, vas-y. Et tous ceux qui lèvent les drapeaux, frère en Allah, je le sache, surtout dans les pays musulmans. Prends par exemple les Yassinites du Maroc. Là, ils lèvent ces drapeaux, pourquoi? Ils sortent de Reine du Monde pour dire au gouvernement, regardez, nous on est capable de sortir des gens dans les rues. Donc si vous ne donnez pas ce qu'on veut, ben on va foutre la zizanie dans le pays. C'est ce qu'ils veulent dire. Ils montrent leurs muscles, c'est tout. Et ça, c'est dans tous les pays musulmans. Ils montrent juste parce qu'ils veulent. Le but, c'est le pouvoir. Et ils vivent, c'est comme les charognards. Ils vivent sur les malheurs de la communauté. Ils se dorent leur blason sur le malheur de la communauté. Il faut être doué de raison. Il faut bien analyser la situation qui se passe devant toi. Et le croyant ne doit pas se faire, hein, plus d'une fois. Hein? Il ne doit pas se faire avoir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne doit pas se faire piquer deux fois dans le même trou. Combien d'années la communauté braille et pleure la Palestine, pleure la Khalifa ottomane, pleure l'Andalousie. Est-ce qu'un jour, nous avons entendu ceux qui pleurent la Khalifa ottomane, ou l'Andalousie, ou la Palestine, un jour nous dire pourquoi il y a eu la chute de l'Empire ottoman. Pourquoi il y a eu la chute de l'Andalousie? Et pourquoi la Palestine est tombée? Un jour, est-ce que quelqu'un a diagnostiqué le problème? Il est évident que les hommes de science qui suivent la voie de leur puiseur, l'ont diagnostiqué. C'est parce que le problème, il est là, le diagnostic, il est là. Que tu le veuilles ou non, que ça fasse plaisir, que ça te fasse du mal. On n'est pas là pour se faire plaisir et pour se caresser dans le sens du poil. Il est des fois des médicaments qui sont amers à avaler. Il est des fois des réalités qui font très mal. Mais c'est la réalité. L'innovation et l'adoration des temples, c'est elle qui a fait tomber l'Empire ottoman. L'innovation et l'adoration des temples et l'apparition du groupe Sophie, c'est eux qui ont fait tomber l'Andalousie. Et tu peux dire la même chose pour la Palestine. La même chose. Hein? L'histoire, comme ils disent, Houma se répète. Hein? C'est juste les lieux qui changent, et le temps, et les gens. Mais sinon, ils se répètent. Il faut que nous prenions conscience et qu'on ne se fasse pas avoir que ces démagogues ne jouent pas avec nous, ils ne jouent pas avec nos sœurs et avec nos frères à les drainer dans les rues. Est-ce qu'on va sauver notre communauté en étant en divergence avec les enseignements de Mohammed alayhi salam, en étant dans une mixité où normalement ils sont sortis pour pleurer. Après c'est les échanges de téléphone, c'est les dragues, etc. Hein? Ça commence par un regard, par un sourire et par un rendez-vous. Et ça se termine par ce que vous savez. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Et ça dans une situation où ils disent hein, on manifeste pour le malheur de la communauté. Hein? Il faut regarder les choses en face à l'islam. Si on veut faire triompher et on est tous responsables du malheur qui arrive à sa communauté, tous, tout un chacun de nous, avec les divergences que nous avons avec notre prophète alayhi salatu salam, et avec le fait de transgresser les lois d'Allah, et de laisser de compter la sunna de Mohammed alayhi salatu salam, tout un chacun de nous est responsable de ce malheur. Tout un chacun de nous. Pas croire que celui-là et celui-là. Toi, moi, tout un chacun de nous. Il a sa part de responsabilité. Hein? Ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez gagné par vos actes. Et nos actes, c'est quoi? Regarde-les maintenant comment ils sont. Sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala couvre hein, avec ses saintes miséricordes. Allah Azza wa Jal wa'ada al-mu'minina bit-tamkin. Walakin mata idahum wahhadu idahum akhlasu lahu al-ibada wa lam yushriku bihi shay'an. Wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa'amilu as-salihat layastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. La promesse, il est là d'Allah. Mais quand est-ce qu'on aura cette promesse? Quand on accomplira le monothéisme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fera ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Quand on ramènera la condition pour avoir le triomphe. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonheur. Il ne faut pas croire que la bonne œuvre est facile à l'islam. Il est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. La bonne œuvre, sa source, c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension du puiseur d'Allah alayhi. Et pour qu'il soit bonne œuvre, il faut que l'acte soit fait sincèrement pour Allah et qu'il soit dans la sunna de Muhammad alayhi salam. Sinon, ce n'est pas une bonne œuvre. Tu peux l'appeler ce que tu veux, mais il ne sera jamais une bonne œuvre. Une fois qu'on agit ainsi, hein? Qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire succéder les uns aux autres sur la terre, comme il l'a fait à ceux avant nous. Il va donner la force à notre religion. Hein? Il va changer notre peur en sécurité. Ça, c'est ce que nous. Ça, c'est la promesse d'Allah. Maintenant, c'est quoi sa condition? Sa condition, elle est dans la parole d'Allah. Ils m'adorent, ils ne me font aucun associé. Ils accomplissent le monothéisme. Ils réservent le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la condition. Hein? Regarde autour de toi. Pendant la période du pèlerinage, regarde sur la planète musulmane combien de lieux qu'ils appellent ça le pèlerinage du pauvre et vers lequel... Hein, au moment où les pèlerins sacrifient pour Allah, les gens sacrifient pour la tombe. Pendant ce qu'ils appellent le Mouloud, encore, voilà ce que ça fait de vouloir imiter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de leur ressembler, de les imiter. Le Mouloud, l'anniversaire. Allez, vas-y. Imitation d'Yel Menhadi. Il y a les juifs et les chrétiens. Hein? Et cette fête... Il nous est venu par la pire des dynasties qui est passée dans le monde musulman et il n'était pas musulman. L'Ubaydiyoun, Khubatha, Batiniya, Zanadiqa. Et c'est eux qui ont introduit ça. Le Batiniya, à leur époque, ils venaient à la mosquée des Sunnites et quand ils trouvaient un cadavre d'un chat ou d'un chien, ils le crucifiaient sur des roseaux, il le mettait à l'entrée de la mosquée, et chaque fois, si un sunnite veut rentrer, il faut qu'il insulte Abu Bakr, Omar, Uthman et le compagnon de Mohammed alayhi salam pour pouvoir y rentrer. Et après maintenant, on vient nous chanter. Nasrullah, Hezbollah, c'est un homme. Quel homme, Hezbollah? Quel homme? Ce sont les insulteurs d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, c'est des hommes. Quel homme? C'est des injustes aussi. C'est des gens injustes. Ils disent n'importe quoi sur Aïcha. Ils disent n'importe quoi sur Abu Bakr. Ils vont me dire, Nasrullah, c'est un homme. Quel homme, Akhal Islam? C'est un homme. Ben vas-y, pourquoi il n'ouvre pas notre front de derrière? Pourquoi il est là? Il sait tout simplement quoi faire, exciter la jeunesse musulmane dans les pays de l'islam, avec ses discours enflammés, et provoquer les gouverneurs des pays arabes et musulmans pour qu'ils les jettent dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner avec les juifs et leurs alliés, et dans ces cas-là, le partage de l'Orient entre lui et les juifs. Et on va dire, et après ça, les jeunes musulmans disent, ouais, mais les gouverneurs des pays de l'islam ne font rien, ils ne parlent même pas. Alors, la gouverneure du pays de l'islam, Rahal Islam, peut-être à ce moment-là, dans cette réaction qu'ils ont maintenant, ils sont plus intelligents qu'on a sur Allah et qui que ce soit. Parce qu'ils savent ce qui se trame. Ils savent que cette guerre, ils ne peuvent pas. Et comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen, si quelqu'un nous dit, pourquoi vous ne combattez pas maintenant l'Amérique, la France, là, ta, ta, ta, ta. Et il dit, Rahimahullah, comment on peut combattre ces pays-là alors que les armes qu'ils nous ont vendues, par rapport aux armes qu'eux, ils ont, ce ne sont que des couteaux de cuisine. C'est des armes périmées. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il sait ce qu'il t'a vendu. Hein? Et il a le moyen de le clouer par terre. Comment tu veux t'envoyer dans la gueule du loup? Alors, celui qui est doué de raison, ce n'est pas Nasrallah, ce n'est pas ceux qui insultent les pays, les gouverneurs des pays de l'islam, etc. Wallah, ils ne comprennent rien à la situation. Et ils disent que ce sont des gens qui comprennent le waqi'. Wallah, ils ne le comprennent pas. Parce qu'à les suivre, c'est le massacre, le chaos total de la communauté musulmane. Hein? Et à les suivre, c'est ce que veut l'ennemi d'Allah. C'est de les envoyer pour tous les enchaîner. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une certaine clairvoyance. Ils savent leurs limites. Hein? Malgré tous les défauts qu'ils peuvent avoir. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas, que c'est une guerre perdue à l'avance. Ils n'ont pas le poids. Ils ne font pas le poids. Matériellement, ils ne font pas le poids. Adl est tombé, l'associationnisme et le fait de manquer dans la communauté, le fait de manquer ou à la législation d'Allah, ou suivi de Mohammed alayhi salam. Donc il ne faut pas se faire berner à l'islam. Qu'il aboie comme il veut. Nasrullah ta'ala. Qu'il aboie comme il veut. Il veut jeter cette communauté dans la gueule du loup. Et il n'y aura aucun bien d'un homme qui insulte Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ça, ce sont. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comprenez-vous à ma sunnah et la sunnah de Khalid bien guidé. Quel bien peut venir de quelqu'un qui insulte ceux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leur chemin? Par Allah, réfléchis, quel bien il peut venir? Laisse tomber qu'il dit comme ça devant la télé, nous on ne les insulte pas. Ça c'est taqiyya, et taqiyya c'était l'un des piliers du dogme du Shia. Malheureusement. Mais ne tombe pas dans ce filet. Dans leurs livres, comme le Kafi, qui est l'équivalent, ils fondent le Kafi, l'équivalent de notre authentique d'Al Bukhari. Il est dit clairement, avec plein de hadiths, que taqiyya, c'est notre religion. Mentir, c'est notre religion. Fais-Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Fais-Allah, subhanahu wa ta'ala, ruddana wa iyyakum ila rujdina, wa nuradda al-adi al-ummata ila rujdiha. بعد طلبة العلم عندما دعبوا إلى أفغانستان أيام الجهاد الشرعي ضد الاتحاد السوفيتي وجدوا بعض الناس يعتقدون في الله اعتقادات باطلة وحاولوا أن ينصحوا هؤلاء فقيل لهم ذلك الوقت من أصحاب الحركات الإسلامية هذا ليس وقته، هذا ليس وقته. ومتى يكون وقته؟ فالراسخون في العلم قالوا لهم ذلك الوقت إنكم لا تفهمون كيف يأتي النصر من عند الله. À l'époque, peut-être que certains parmi vous n'étaient pas encore nés. À l'époque du djihad légiféré en Afghanistan des Russes, des Afghans contre les Russes. Certains demandeurs de science, et parmi les grands maintenant, étaient en visite là-bas, pas en visite pour, c'était une visite éducative. Voir les combattants, etc. Ils voyaient l'associationnisme dans lequel sont certains, même des combattants dans l'associationnisme, etc. Ils essayaient de rectifier, de les orienter vers la voie droite, leur ont authentifié leurs dogmes, etc. et leurs croyances. Et certains activistes à cette époque-là, ils leur disaient « Non, ça, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de s'occuper de ça. » S'ils ne s'occupent pas de ça à ce moment-là, où c'est un moment crucial pour la communauté, comment ils peuvent gagner? Et c'est pour ça que les hommes de science de cette époque leur ont dit « Mais vous ne comprenez pas le moyen et la voie par laquelle peut arriver le triomphe d'Allah Azza wa Jal. C'est en accomplissant le monothéisme pour Allah Azza wa Jal. » فالنصر لا يأتي إلا بعد توحيدنا لله سبحانه وتعالى وبعد عبادتنا لله سبحانه وتعالى. فتصحيح العقائد من أهم أسباب النصر ومن أهم أسباب التمكين، بل قد يسلط علينا عدونا بسبب وجود الخلل في عقائدنا. وأنتم ترون ما يجري على الساحة الفلسطينية وما جرى على الساحة العراقية. Le triomphe, frère en Allah, Azza wa Jal, n'arrive pour cette communauté qu'après avoir accompli le monothéisme. Après avoir réservé le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'authentifier les dogmes et les croyances, c'est la cause principale pour arriver au triomphe. Et c'est la cause principale pour avoir le pouvoir sur terre. Et l'ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se jette sur nous, et a la suprématie sur nous, et met la main sur nous, parce que justement, il y a des lacunes dans nos croyances. Hein? Et vous voyez ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin. La situation de la Palestine est devant vous. Ce qui se passe sur le terrain en Irak, il est devant vous. Ce qui se passe sur la terre afghane, est devant vous. Il y a un petit peu partout. Et regarde. Qu'est-ce qui s'adore en Afghanistan? La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Regarde ce qui se passe en Irak et regarde ce qui se passe au Cham. Combien de temps bief Cham, le nord de l'Arabie, hein? Et qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? Et tu as compris. ونحذر أن نقع في مصيدة العقلانيين ونتذكر ما جرى لخير هذه الأمة. Il faut faire très attention non plus de ne pas tomber dans le filet des poussins de l'école de la raison. Et qu'on se rappelle ce qui est arrivé aux meilleurs de la communauté humaine après les prophètes alayhi salatu wassalam, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ma'ziyatun wahida kanat sababan lima jara li sahabati rasulillahi yawma uhud. Amarahum salawatu rabbi wa salamu alayhi an yalzamu makanahum, an yalzamu arrumatu makanahum. فعصوه ونزلوا دون أن يأذن لهم وكانت هذه المعصية سببا في دوران الدورة على المسلمين وتحول النصر إلى هزيمة. وقال عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تحول النصر إلى هزيمة بسبب معصية واحدة. فلننظر المعاصي فينا اليوم كم هي، والمخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم هي فينا اليوم. أفرحنا الله عز وجل une seule désobéissance à l'ordre du prophète عليه الصلاة والسلام a prévalu au meilleur de la communauté humaine après les prophètes عليه الصلاة والسلام qui sont les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, la défaite le jour de Hud. Ils ont reçu la plus grande leçon Okay, il faut qu'on tire la leçon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux archers, ils n'étaient pas nombreux, de rester sur le monticule en face du cimetière de Houd, et de ne pas bouger. Même si ils voyaient que le prophète a gagné, et que les troupes ont gagné, même si la mort a pris tous les compagnons, il ne fallait pas qu'ils bougent. Ils restent là. Mais c'est des humains. Ils ont vu que la bataille était gagnée par les musulmans, et que les musulmans ont commencé à ramasser du butin. Et c'est des humains. Bon, un certain nombre est descendu. Pas tous les archers. L'émir des archers, il a dit, craignez Allah, vous devez rester là, le prophète vous a interdit de descendre. Certains sont restés avec lui, et les autres sont partis. Une petite communauté, une petite partie des compagnons, pas tous les compagnons, est descendue, et la leçon a été reçue par tout le monde. La défaite, 70 compagnons sont morts, et parmi eux, l'oncle le plus aimé du prophète, parce qu'il était du même âge que lui, et parce qu'il était son frère de lait aussi, et parce qu'ils ont passé leur jeunesse ensemble, et leur enfance ensemble. Hamza, à tel point, compte, Hada, l'Habashi s'est converti à l'islam, le prophète n'a pas pu le regarder dans les yeux, en face de lui. Tellement il aimait son oncle, il n'a pas pu regarder Hada, l'Éthiopien qui a tué. Hein, radiyallahu anhu, qui a tué l'oncle du prophète, il n'a pas pu le regarder en face. Hein? On dit que c'était une énorme douleur. Hein? Et cette douleur, c'est quoi? Il est venu d'où? Une désobéissance à l'islam. Une seule désobéissance. Qu'on regarde maintenant les désobéissances que nous avons. Comment on transgrès les lois d'Allah? Comment on transgresse la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam? Il est dit dans le verset, quand vous êtes chamaillé, et vous avez faibli, et vous avez désobéi, après que Allah subhanahu wa ta'ala vous a montré ce que vous aimez, c'est-à-dire les compagnons ont vu le butin qui commençait à se... les archers ont vu le butin qui se ramassait. Hein? Il y a parmi vous qui veulent dunya et les autres qui veulent akhira. Mais dis-toi, comment cette situation qui allait être gagnée, et ce triomphe qui allait s'accomplir pour les compagnons de Muhammad alayhi sallam, à la fin, il s'est soldé par un échec et par une défaite, et par la mort de 70 compagnons. Un ordre. Il est dit dans le verset, « فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Dans le verset, il est dit qu'il fasse très attention que ceux qui sont en divergence avec l'un de ces ordres, l'ordre de qui? L'ordre de Muhammad, un ordre. Et regardez-nous les ordres avec lesquels, sur nous-mêmes, combien on est en divergence avec Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos femmes, dans nos comportements avec nos femmes, dans nos comportements avec les gens, avec les musulmans, avec les gens. Regardez comment on est en divergence avec Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ça, c'est ce qui fait que nous sommes dans la défaite. On ne peut pas y arriver tant qu'on ne concorde pas avec les enseignements de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tant qu'on ne transgresse pas les lois d'Allah et la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas triompher, on ne peut pas avoir le pouvoir. Parce que c'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de cette communauté. Hein? Quelqu'un peut se poser, est-ce que le matériel aussi? Oui, le matériel est important. Mais, dis-toi bien, hein? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم وعدو الله. Mais ceux qui excitent les gouverneurs des pays de l'islam et la jeunesse musulmane ne font pas très attention à ce terme. ترهبون به. Ceux qui excitent la communauté, les musulmans et les gouverneurs à rentrer dans une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner, ils ne font pas très attention. Un terme y est dans le verset sur lequel la terre l'attention, les hommes de science dignes du nom. Il est dit dans le verset, préparez pour eux tout le matériel que vous pouvez. Mais il y a un terme, pas n'importe quel matériel, le matériel qui leur fait peur. Turhibuna bihi, un matériel qui va faire peur à votre ennemi, à l'ennemi d'Allah. Et le matériel qu'a la communauté maintenant est un matériel périmé. C'est la poubelle de l'Occident qu'ils ont. Et c'est l'Occident qui leur offre. Donc il sait que ce matériel ne peut rien du tout. Hein? Donc il faut être sensé. Hein? Plus de ça, le matériel, ce n'est pas la chose la plus importante. Il faut le matériel. Mais la chose essentielle, c'est la foi. C'est le tawhid. C'est l'accomplissement du tawhid. C'est l'obéissance à Allah et l'obéissance et le suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'accomplissement de cette religion comme le veut Allah et comme l'a enseigné Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est là la udda la plus forte. Hein? C'est là. Pourquoi les compagnons de Mohammed alayhi sallam, après la mort de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les communautés comptent, l'armée musulmane bougeait vers une région et les gens commencent à faire des comptes. Ils ont peur. Certaines communautés, hein? 6 mois avant Ramadan, ils ont peur. Et 6 mois après Ramadan, c'est-à-dire toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui mettaient à la lettre la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et le triomphe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est avec eux, il est d'Allah, et hein, toute la force Allah, subhanahu wa ta'ala, leur donne. Hein? Le mec, il dit, il arrive à la conquête, une fois qu'il a terminé, il arrive à l'Occident musulman, il arrive vers les plages de l'Atlantique, au nord du Maroc, il regarde, et il dit, par Allah, si je savais qu'il y a d'autres gens là-bas, pour leur amener, hein, les convertir et leur ramener la parole d'Allah, maintenant je traverserai le ciel. Ici, ce qu'il dit, et il y a parmi les troupes musulmanes qui ont marché sur de l'eau avec leurs chameaux et leurs cavaliers. Pourquoi? Ça, c'est un bienfait avec lequel comble Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui se soumettent à ses ordres. Il y a aussi des shayatins qui le font. Ouais, ben, certains sectes, il a dit, j'ai vu mon shir voler dans le ciel, et j'ai vu l'autre shir marcher sur l'eau. Et même Shafi'i, il a dit, quand quelqu'un te dit ça, tu lui dis, viens, prends cette personne de qui on te dit il vole dans le ciel et regarde ses actes. C'est ses actes qui correspondent au livre d'Allah, à l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette personne. Si ses actes sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est un shaytan. Et qu'on arrête de nous. Monsieur tel, il a tatati batata, il fait tatati batata. Viens, monsieur tel, il fait la prière à l'heure. Non. Monsieur tel, il fait le jumu'a. Non. C'est un shaitan. Shaitan, il l'aide à faire ce qu'il fait. C'est tout. Pour que le commun du musulman puisse tomber dans son filet. Hein? C'est tout. Pour que il puisse drainer plus de monde. Shaitan, il l'aide dans tout ça. Pour qu'il puisse drainer tout le monde. Parce que shaitan, il ne veut pas que quelques personnes partent avec lui. Il veut prendre toute la descendance d'Adam. Alayhi salatu wassalam. Il veut tous. Mais sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, les sincères, et l'élite qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a, tu ne pourras rien pour eux, mes serviteurs. Illa ibadi al-mukhlasin. Tu ne peux rien pour cela. Hein? Fa aham asbab al-nasr khal islam. التوحيد والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلنحذر من الوقوع في الشرك أخي الإسلام فالشرك هو أخطر الأمراض التي ابتلوا بها المسلمون في هذا الزمان وهم لا يفهمون أنهم يشركون بالله عز وجل donc il faut qu'il me dise frère en Allah عز وجل que le triomphe n'arrive qu'avec le monothéisme, avec le fait d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, alayhi salatu wassalam. Et qu'on fasse très attention de ne pas tomber dans l'associationnisme. Car l'associationnisme, c'est la plus grande des maladies avec lesquelles sont éprouvés les gens à notre époque. Ils ne le comprennent pas. Et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils font des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils associent à Allah, subhanahu wa ta'ala. فوجب على عارف أن ينصح وأن يذكر وأن يبين لأن هذه القضية هي القضية الأساسية في حياة هذه الأمة الذي لا بد أن تكون نصب عيوننا. Donc il appartient tout un chacun qui sait et qui connaît, hein, d'éclairer son entourage sur ce sujet principal, hein, parce que c'est le pilier principal, hein, Et nous devons avoir ce problème en face de nous, le problème de l'associationnisme. Hein? Et pallier à ce problème. وهذه قصة لأحد إخواننا الموحدين في إفريقيا. وإفريقيا كما تعلمون جميعا فيها طرق صوفية كثيرة. وقدم رجل بحماره ليستظل تحت مظلة الدكان، وأثناء نزوله من ظهر الحمار زلق الحمار، فكاد أن يقع، فإذا بهذا الرجل يقول يا سيدي الحسين، وهو يسقط إلى الأرض. فقام ودخل الدكان وهو ينتفض من الماء والبرد. فقال له الأخ الموحد لو قلت يا رب لكان أحسن. فقال الرجل خيرا ماذا قلت، ما الذي أخطأت فيه؟ ثم تدارك وقال ألا إني قلت يا سيدي الحسن. قال له الأخ نعم. فنطق الرجل بكلمة عظيمة، علي الطلاق إذا لم يكن سيدي الحسن قد سمعني فإن الله لا يسمعني. علي الطلاق إلا ما يكون سيدي الحسن سمعني فالله لم يسمعني. Voici maintenant une histoire réelle qui est arrivée à l'un de nos frères monothéistes en Afrique, au Soudan exactement. Et en Afrique, il y a beaucoup de sectes soufis. Ferme la porte, barakallahu fik. Président, c'est lui le premier à perturber. Ferme. Donc, et en Afrique, il y a beaucoup de sectes soufis. Et un homme arrive sur le dos de son âne, et c'était une journée à beaucoup de pluie. Et il arrive, il voit le magasin de ce frère monothéiste, et il voit le rideau. Après, il veut s'abriter sur le rideau de la pluie. Et tout d'un coup, son âne a glissé, il a failli tomber. Et au moment de tomber, il a dit « Ya Sidi Hassan !» Le frère monothéiste l'a entendu. Mais quand cet homme s'est levé, il est venu il est rentré dans le hall du magasin, et le frère, il lui a dit, si tu avais dit, Ya Allah, ça aurait été peut-être mieux. Il ne s'est pas rendu compte. Après, il a dit, j'ai dit Ya Sidi Hassan, oui, j'ai dit Ya Sidi Hassan. Il lui a dit, si Sidi Hassan ne m'a pas entendu, alors Allah, je divorcerai ma femme. Si Sidi Hassan ne m'a pas entendu, là, il ne m'aurait pas entendu. Regardez la croyance jusqu'où il était. C'est ce mort ne m'a pas entendu. Ce mort qu'il vénère, ne m'a pas entendu, donc Allah, il ne m'a pas entendu. فتأمل أنت إلى حد إلى أي حد وصل به هذا الاعتقاد. ففي قلب هذا الرجل تعلق بميت ويعتقد أن هذا الميت يسمعه فعلا، يسمعه فعلا، بل يقسم بالطلاق من امرأته إن لم يسمعه فلم يسمعه الله. تمديت à tel point cet homme est accroché dans son cœur avec ce saint qui est mort. Comment il croit que ce mort l'entend? Et même il a juré, il a dit si ce saint ne m'a pas entendu, je divorcerai ma femme. Alors là, il ne m'a pas entendu. وَتَمُرُّ السِّنِينَ فإذا بشخص يدخل على الأخ الموحد دكانه ويقول السلام عليكم ويقول له أما تذكرني؟ قال له الأخ الموحد لا أذكرك. فقال له أنا صاحب الحمار. وما الحمار هذا؟ فقال له الأخ الموحد أي حمار هذا؟ فذكره بالحادثة وقال له ألا إن كلمتك قد وقعت في أذني وأطرت في بعد حين وها أنا أعود موحدا مؤمنا بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. Les années passent et tout d'un coup un homme, le même homme, qui vient et qui rentre dans le magasin de notre frère monothéiste. Il dit, tu te rappelles pas de moi? Il dit non. Il dit, je suis le bonhomme de l'âne. Il dit, quel âne? Il lui rappelle la scène. Et cet ancien associateur, il lui dit, par Allah, la parole que tu avais dit n'a pas arrêté de me travailler. Pourtant, c'était une petite parole. Si tu avais dit à Allah, ça aurait été mieux. Hein? Il a dit, cette parole n'a pas arrêté de me travailler. Et voilà, je suis devenu croyant, je suis devenu monothéiste, je suis revenu, je me suis repenté, et je suis revenu vers Allah Azza wa Jalla. Et je sais qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وأهل العلم يقولون أخ الإسلام لا تيأس عندما ترى أمثل هذه القوالب الجامدة الصماء فهذا يقول إن هذا الميت إن لم يسمع طلق زوجته ورجل يقسم بهذا القسم على امرأته أن هذا الميت إن لم يسمع فإن الله عز وجل نفسه لا يسمعه ومع ذلك يعود بعد حين وقد وقرت الكلمة في أذنه ويقر أنه عاد موحدا بعد أن كان يعتقد في الأموات من دون الله عز وجل. Et les hommes de science disent, ne te lasse pas, ne tombe pas dans la situation des pessimistes. Quand tu entends ce genre de personnes qui sont dures, qui sont têtes pour les croyances qu'ils ont sur les morts, etc. Hein? Cet homme, cet exemple-là, hein? Cette personne a cette croyance sur son mort. Que ce mort l'entend encore plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il divorcerait sa femme si ce mort ne l'entendait pas. Alors si ce mort ne l'entend pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'entendrait pas. Mais regarde, une petite phrase, il rentrait, s'est installé dans son cœur, et l'a travaillé, et il est revenu monothéiste. Alors qu'auparavant, il avait une croyance sur les morts, et que les morts faisaient des choses. وَيَوْمِنْ هَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ الراسخون المسلمون يحتاجون اليوم إلى دعوة جادة لتصحيح عقائدهم وعليك أن تجتهد في هذا ولا تشتغل بالحكم عليهم بالكفر فالأفضل دعوتهم وتصحيح مفاهيمهم الخاطئة. Et les hommes de science, ceux qui sont dignes de l'héritage de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Les musulmans aujourd'hui ont besoin d'authentifier leurs croyances et devraient, en fait, de les appeler à authentifier leurs croyances et à corriger, et à les orienter et à les sortir des mauvaises situations dans lesquelles elles et à dissiper les nuages des ambiguïtés de leur tête et à leur enlever ces fausses définitions qu'ils ont sur le monothéisme. وعجبنا من أقوام لا يدعون هؤلاء ولا يعلمونهم ولا يرشدونهم ويقضون جل أوقاتهم هل هؤلاء معذورون بالجهل أم لا؟ دعوا إلى الله أنت بعد لا أنت لا تدعو ولا ترشده وتسأل هل هو معذور أو غير معذور؟ تواجبك أن تدعو إلى الله. Et ton étonnement ne s'arrête pas de certains. Il n'appelle pas le pauvre musulman qui est dans l'associationnisme, il ne l'oriente pas, il lui enseigne rien du tout, il ne lui conseille pas, il passe la majorité de leur temps. Est-ce que ceux-là seront excusés par leur ignorance ou pas? Et à l'islam, ton devoir, si tu sais qu'il est là, c'est de l'orienter, d'utiliser le langage adéquat, hein, et de lui parler comme il se doit pour le sortir de cette situation. Tu dois, ton corps doit fondre du mal dans lequel il est, et tu dois le sortir de là, au lieu de palabrer et déserter, que Shaitan joue avec toi, que tu passes ton temps, est-ce qu'il sera excusé avec l'ignorance ou là il ne sera pas? Hein? Allimu akha al-islam. Qul lahu shay'an la'alla Allah an yahdiyah ala yaday. Da'ka min ma'dour ou ghayr ma'dour. Anta mutalabun al-an bi'isal al-tawhid ila hadha al-shakhs. الذي نعترف جميعا ونقر جميعا بأنه جاهل فالجاهل دواؤه سهل ودواؤه هو التعليم والتوجيه والنصح فإذا علمته ونصحته وكان معاندا فأمر آخر ولا تحكم عليه أنت بنفسك. دعي الأمر لأهله واستفتي أهل العلم في الرجل ولا تأخذ أنت المواقف بدون أن تستشير أهل العلم في الأمر لأنه لأن تخطئ في إسلام شخص خير لك من أن تخطئ في تكفيره كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. Et, frère Allah, Azzawajal, ton devoir, c'est d'enseigner à cette personne. D'essayer de le guider, de l'orienter. Et si Allah, subhanahu wa ta'ala, le guide par ton intermédiaire, tu as tout gagné. Et laisse tomber, ne perds pas ton temps. S'il va être excusé, ou là, il ne va pas être excusé par son ignorance. Ton devoir, c'est de lui ramener, de lui transmettre le monothéisme. Hein? D'authentifier, de l'aider à authentifier ses croyances. On est tous d'accord que cette personne, elle est ignorante. Et l'ignorance est simple. Son remède est simple, c'est l'apprentissage, l'orientation. Faut-il encore être capable de le faire et d'orienter cette personne? Conseille-lui. Oriente-le. Donne-lui des cassettes d'hommes de science. Essaye de lui ramener des trucs qui correspondent à son niveau. Et s'il s'entête après, la situation est différente, mais ne mets pas une sentence sur lui, toi, directement. Laisse la situation, les sentences, laisse-les à ceux qui sont, qui en sont, les spécialistes, qui sont les hommes de science. Après que tu sens que il n'y a plus d'obstacles dans son esprit, que les ambiguïtés sont effacées, que tu as tout utilisé, mais ne le juge pas directement, toi. Retourne à qui de droit. Explique sa situation à un homme de science. Et à ce moment-là, tu prends l'avis de l'homme de science. Et que, comme on dit, comme l'imam Shafi'i, que tu te trompes sur la situation de dire de quelqu'un qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas, vaut mieux pour toi que de dire de quelqu'un qu'il est mécréant. Et que tu te trompes. Là, c'est un imam qui dit ça. Il n'y a pas que lui qui l'a dit. Que tu te trompes ou tu te dis que cette personne, il est musulman alors qu'il est déjà dans la mécréance. C'est moins grave que de décréter que celui-là, il est mécréant alors qu'il est musulman. Il faut arrêter de perdre son temps sur les sites, sur les salons d'Yal Ansar Tawhid. Ils ne sont pas Ansar Tawhid. Tu entends toute la soirée, le kofre bétarot, le kofre bétarot. Oui, le kofre bétarot fait partie du monothéisme. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, Omar, le kofre bétarot? Tu les entends juste quoi? Tel savon, il est mangé. Tel savon kada, tel savon il est mécréant, tel savon kada, le gouverneur de tel pays il est mécréant. Ils ont laissé aucun gouverneur. Est-ce qu'ils ont accompli la preuve contre? Personne parmi eux, ils sont tous là. Certains parmi eux, le ha c'est le ha. Ça veut dire qu'au niveau de l'arabe, et à longueur de soirée, à longueur de journée, que ce soit Hadal, le site d'Yel Ansar Tawhid ou là, l'autre, comment il s'appelle déjà, de Salah 19, là. Le silence est une sagesse. Voilà, le silence est une sagesse, ça c'est l'Ahzash, c'est encore pire. L'égarement total. Al-Sunna ou Al-Jama'a, c'est l'Ahzash. Le silence est une sagesse, c'est encore cette gangrène d'Yel Ahzash. Et Hadouk aussi, ils ouvrent avec deux noms. Ansar Tawhid, le Murabitoun, et un autre, le Mouhim. Ouais, anti-Mourgé, anti-Talafi, des trucs comme ça, des termes comme ça. Mais c'est pour connaître tous ces sites, tous ces salons qu'il faut éviter pour rentrer dans Dawa. Dawa, Pal Talk, 2-2, et tu rentres, et tu as tous les sites, tous les salons qu'il faut éviter. Parce que c'est de la perte du temps. Tu perds du temps. Il y a certains salons, je me demande, sur l'islam, je me demande pourquoi il y a un salon qui s'appelle Mahabba. Ça ne fait qu'au parler. H24. L'autre, c'est marqué islam, et il passe de la musique. Dans une rubrique qui est... Et Ada... Et je te dis pas, mais des trucs, tu entends des trucs. Allah al-Musta'an. La sueur froide te tombe sur le front. Tu entends des trucs, tu dis... Hadou, ils apprennent leur religion, là ils perdent leur temps. Hadou, je crois qu'ils ont pas de, ils ont rien à faire, c'est de perdre leur temps. Dans les années 80, je passais dans une ruelle dans Marrakech, il y avait un café, il y avait un homme qui lisait un livre à la recherche du temps perdu. Et je regardais les populations en face, je dis, Hadou, ils cherchent où perdre le temps, toi tu cherches le temps perdu. Et chaque fois que je vois ces salons-là, ça me rappelle ça. Je dis, Hadou, ils ont que du temps à perdre. au lieu d'apprendre la langue arabe, hein, pour ne pas être, avoir un handicap, cette langue est très importante pour l'apprentissage de cette religion. Et il est malheureux que des fois, disons que le frère il est dans la voie d'El Salavia, ou l'a 11 ans, ou l'a plus, ou l'a moins, et qu'il ne maîtrise pas l'arabe. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'arabe, c'est la langue du dernier message. L'arabe, c'est la langue du dernier messager, alayhi salam. Hein? Et c'est le véhicule principal, l'outil principal de cette religion. Et pour mieux, pour être à l'aise, tu n'as pas besoin. Le traducteur, du traducteur, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Qui te dit, est-ce que tu sais ce que j'ai dans mon cœur, Anna? Tu ne sais pas. Entre l'image d'un traducteur, prends-la comme ça. L'angle et la chair, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui rentre? Si le traducteur ne craint pas Allah, et je ne dis pas qu'il n'existe pas, il faut que ce traducteur soit digne de la voix du puiseur d'Allah Alim, qu'il craint Allah, et qu'il ait une aqida authentique. Mais tous les... Regarde, les traducteurs qu'il y a, tu prends un livre, je te donne juste un exemple. Un livre d'Oriyad Salihin, regarde une traduction d'un soufi, et regarde comment il t'oriente vers le soufisme. Et le même livre, la traduction de certaines interprétations comme celle de Cheikh Al-Uthaymeen, qui ont été traduites par des tkfiri, regarde l'orientation qu'ils font à la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. Pour l'orienter, lui donner un sens tkfiri. Le traducteur, c'est ses convictions qui sortent. Il est obligé qu'il y ait ses convictions qui sortent. Quelque chose de sa personnalité, il a, il est dedans. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et comme je disais hier, la traduction, tu la prends à Ri comme une biquille. Sur celle, c'est que la nature et l'origine, c'est que tu marches avec tes pieds. Mais là, Qadarallah est arrivé à un accident. On t'a mis un plâtre, on t'a donné des biquilles, après on t'a enlevé le plâtre, hein, rééducation chez le kiné, etc. Tu dois revenir et marcher. La même chose, tu dois faire de la traduction. Une biquille que tu dois jeter au plus tôt. T'en débarrasser au plus tôt. Tu imagines, Akhal Islam, si tu apprends l'arabe, tu vas arriver à profiter d'une énorme science de trois grandes montagnes qui ont celles que tu connais. Je te cite que celles que tu connais, qui sont Cheikh Nasser, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz. Hada les trois. Et avec certains de nos frères de Hollande, une fois dans la voiture, on parlait, on disait, il est arrivé le frère de Hollande, ils sont arrivés à calculer que pour terminer l'héritage que nous a laissé ces trois montagnes de science, il nous faut 20 ans d'études. Quel temps t'as à perdre? 20 ans d'études. Entre leurs audios et leurs écrits, il faut 20 années d'études. Est-ce qu'après ça, tu as du temps à perdre? Ça doit te motiver à apprendre cette langue. Parce qu'avec cette langue, tu vas goûter au goût exquis de la parole des hommes de science. Ça va être facile pour toi. Entre la parole du Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, c'est qui la parole d'elle? Hassan Abou Asma ou tel, rien du tout. Du vent, devant. Rien. Il n'y a même pas de comparaison. Et tu vas te rendre compte, hein, du temps. Quand tu vas commencer, certains de nos frères qui s'y sont pris, il a dit, j'ai perdu du temps. Mais alhamdoulilah, il n'a pas perdu du temps parce que il a maîtrisé l'arabe, ça y est maintenant. Mais il regrette le temps qui est passé. Hein? Il regrette le temps qui est passé parce que peut-être ces trois années qui sont passées qu'il a perdu à traîner et à palabrer, etc. Il aurait dû les apprendre l'arabe. Il aurait trois ans d'écoute et d'études, hein, des cassettes et des livres de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, etc. Enfin, il faut pas qu'on perde notre temps. Fa, ikhwat al-Islam, ba'd ha'oula, al-jahala, alladhina yajhaluna asas hada ad-din, idha 'allamtahu qabila ta'limak, qabila nushak. وبعضهم مقر ولكن الدين وصل إليه مشوشا وهو لا يدري أين الحق وبعض المنتسبين إلى العلم وأصحاب العمائم الحمراء والبيضاء والزرقاء والصفراء وكثير من المثقفين مع الأسف يلبسون الأمور على الناس والناس تعتبرهم من العلماء والإنسان يقول لك هذا العالم الفلاني وهذا الدكتور الفلاني وهذا الشيخ الجفري وهذا الشيخ هذا الشيخ الجفري يتوسل بالنبي وما سمعنا أحدا يقول مثل ما تقول ولكن لا تيأس أخ الإسلام فالجفري وغير الجفري هؤلاء رويبضة هذا الزمان ودعاة الضلال فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم أو أن يريح الأمة منهم. Et certains parmi ces unions ont frais en Allah Azza wa Jal, quand il commence à parler avec et lui expliquer, il accepte. Il draine à la vérité et il s'oriente facilement. Et beaucoup parmi eux approuvent le monothéisme et des fois, ils ont reçu le message de cette religion brouillé, avec plein d'ambiguïté, plein de toiles d'araignée. Hein? Et ils ne savent plus où il est la vérité. Et certains duquel on dit c'est le cheikh, c'est l'homme de science, etc., eux-mêmes les induisent en erreur. Et le pauvre, il te dit, le tel docteur, il dit, Cheikh Al-Jufri, il voit le fait de lever la main et de demander à Rasulullah alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Hein? Et il est évident que ce genre de personnage, les médias le mettent au devant de la scène. Au devant de la scène. Il embellit son image. Hein? Et chaque fois qu'il se déplace quelque part, qu'il y a un événement autour d'une tombe, la caméra, elle est là. Hein? Et le pauvre ignoreux, il voit, si tant urbané, il y a de ses chers, avec sa barbe, avec etc. Hein? Il parle Allah, il parle Rasoul, etc. Et combien de paroles dit le Cheikh Al-Jufri, hein, là? Il dit, il est dans Muslim, et le hadith, il est nulle part. Dans les erreurs qu'on lui ont compté certain nombre de sciences, beaucoup, ils ment. Tout simplement, il tord les textes pour qu'il prouve la voie sur laquelle il est, qui est cette dawa, à appeler à adorer les tombes et à demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit des gens et des hommes de science qui disent qu'il est interdit de demander à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils n'aiment pas le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ne sont pas tombés dans le même agarrement que lui. Ils n'aiment pas Rasulullah alayhi wa sallam. Il prend le même terme. Les mêmes termes des ennemis de la vérité, c'est le même. Wahhabi, wahhabi. Hein? Alors que le wahhabi, l'effort qu'il a fait, c'est grâce aux efforts. La louange est à Allah, Azza wa Jalla après. Arrive les efforts qu'a fait Mohamed ibn Abd al-Wahhab qui est né cet état monothéiste qui est l'état d'Arabie Saoudite. Hein? Il est évident que ce n'est pas parfait, comme disent les hommes de science, ce n'est pas un état parfait. Mais c'est le meilleur état actuellement dans la défense du monothéisme et qui fait le plus pour da'wah vers le monothéisme et qui aide plus les opprimés sur terre. Certains disent qu'au fond les Saoudiens, regarde, les médias et les journaux sont en face de toi. Qui a donné telle leçon qu'a donné l'Arabie Saoudite? Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, hein, Netanyahou est sorti pour manifester contre les dons qui ont été faits par l'Arabie Saoudite devant la Maison Blanche. Pourquoi les Saoudiens donnent autant pour les Palestiniens? Et après, les minus, Ouadou qui s'embellissent leur image sur les malheurs de la communauté, qu'est-ce qu'ils font les Saoudiens? Et quand quelqu'un qui a été éduqué même en Arabie Saoudite pendant des ans, c'est un Français, pendant des ans, l'Arabie Saoudite lui a payé ses études, son logement, etc., il téléphone à un de nos frères et un de nos frères lui dit, « Allah Azza wa Jal, tu sais que Cheikh Al-Utaymiyyah, Rahimahullah, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, a fait la fatwa, comme quoi il ne faut pas on voyait ces photos des massacres de Gaza. parce que ça ne fait qu'augmenter. Déjà, la photo elle en elle-même est haram, et ces photos dans lesquelles il y a les corps déchiquetés, etc., ça ne fait qu'augmenter la tristesse dans le cœur de la communauté et de l'affaiblir encore plus. Il lui a dit comme ça, alors qu'il a, il a étudié à Médine. Il lui a dit comme ça, pourquoi Cheikh Al-Fawzan n'a pas fait de fatwa contre son roi qui a une grosse bague au nord. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afir. Ça te prouve l'ingratitude. Ce pays qui t'a éduqué, etc., dans lequel tu as appris ce que c'est que le monothéisme, ce que c'est que sunna, et pendant 10 ans, tu payes tes billets aller-retour pour venir voir ta famille retourner, après c'est ainsi que tu réagis. Hein? Fallah subhanahu wa ta'ala tient les cœurs entre eux, ses doigts, il les tourne comme il veut. Hein? Il est heureux celui qui se cramponne à la religion que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve jusqu'à la fin de sa vie. Hein? Et qui reste et qui ne se colore pas dans sa vie. On ne se colore pas dans sa religion à l'islam. On n'est pas des caméléons, on prend la couleur. Quand on met le caméléon sur un arbre, c'est l'arbre, il est marron, ben il va devenir marron. Si on le met sur une feuille verte, il va devenir verte. Et là, d'où tu les vois, les têtes d'affiche, ils prennent la couleur des lieux, et le langage des lieux, et le style qui correspond à l'entourage. Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa l'abiya. Fa l'hasil anna wa akhal islam alayka an tahtamma bid'awati haoula il juhal ila tsahihi aqaidim. Wa yakun dhalika bil hikma wal mu'idha al hasana. Wa haoula ilaysu ka fir'aoun. Wa laysu fara'ina. Wa rabbuna qala li Harun wa Musa alayhim as-salatu wa s-salam. Indama arsalahuma ila fir'aoun. Qula lahu qawlan layyinan. Wa huwa man hu? فرعون قال أنا ربكم الأعلى وادعى الألوهية والربوبية في آن واحد وعوامنا والحمد لله ليسوا بهذه المرتبة وغالبهم إن لم نقل جلهم يقبلون النصيحة ولكن لا بد من استعمال الأسلوب والتحدث معهم بما يعقلون ووضع الأشياء في مواضعها وأهم قضية يهتم بها الآن في هذا الزمن هي تصحيح العقائد تصحيح العقائد وتصحيح الأخطاء في العبادات لا بد من هذا الأمر donc frère Allah عز وجل il faut que tu aies le souci de t'occuper ces ignorants qui nous entourent occupés à authentifier leurs dogmes et leurs croyances et à les orienter mais il faut que ça soit avec une bonne parole une bonne exhorte et avec sagesse, mettre les choses à leur place, et utiliser le langage adéquat. Et dis-toi bien, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est le vieux daron de 70 ans, qui, tu vois, il est dans l'ignorance, et que, Allah, si lui, il t'a vu pendant la majorité de ta vie, avec ton pétard au pied de l'immeuble, et connaissant de toi que tu sors aujourd'hui de la prison, le lendemain tu y retournes, etc., et que tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala t'a gomblé avec la guidée, etc. Et la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas le voir, il est évident qu'il ne va pas accepter de toi. Et malheureusement, les vieux maghrébins n'ont pas été éduqués à prendre le conseil de ceux qui sont plus jeunes qu'eux. Normalement, on prend le conseil de n'importe qui de qui que ça vient. Mais là, malheureusement, l'éducation n'a pas été faite comme ça. Et il est difficile pour un vieux daron maghrébin, qu'il soit algérien, tunisien ou marocain, hein, d'accepter comme ça. Donc, il faut envoyer les personnes adéquates. Il faut envoyer les personnes qui correspondent et qui ont le langage qui va et qui ont la clé du cœur de ces personnes. Parce que l'essentiel, c'est d'ouvrir son cœur. Ce n'est pas qu'il se referme encore plus et qu'il rebute, qu'il rejette. Là, l'essentiel, c'est d'arriver à son cœur et de lui transmettre le message. Et dis-toi bien que ces darons et ces ignorants qui nous entourent hein, ne sont pas comme Pharaon. Alors que Pharaon a prétendu la souveraineté, il a prétendu le fait de lui réserver le culte exclusivement, et pourtant quand Allah Azza wa Jal a envoyé Moussa et Harun à Pharaon, il leur a dit quoi? Dites-lui une parole douce. Dites-lui une parole douce. Hein? Donc, et ces ignorants, hein, en général, ils acceptent le conseil. Mais il faut, comment leur ramener ce conseil? Il faut parler un langage qui leur correspond et qui correspond à leur mentalité et à leur âge, hein, et à leur niveau. Ils prendront en considération que le pauvre roi, quand il est arrivé dans ce pays, il est arrivé pour travailler. Il ne savait peut-être ni lire, ni l'arabe, ni rien du tout de tout ça. Et il faut savoir que les médias ont joué sur lui beaucoup. Ils l'ont trop influencé. Donc il faut que tu connaisses tous ces paramètres-là pour essayer de trouver comment tu peux le tirer de là. Comment tu peux l'arracher à cette emprise qui est sur lui. Hein? Presque tous les darons parlent le langage d'El Khassira. Comment le sortir du langage d'El Khassira? Il faut, pour le tirer de là. Parce que le but, c'est de l'orienter par la voie, non pas d'émettre une sentence contre lui. Le but, c'est qu'il sorte de là. Le but, c'est qu'il prenne la voie droite et c'est toi le gagnant après. Et c'est toi le gagnant après chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est des fois, l'expérience est faite, toi, tu œuvres sur une personne, et après cette personne, elle fait du travail aussi derrière. Et des fois, il t'invite à une maison dans laquelle il a invité d'autres, sur laquelle il a de l'influence. Il y a un silence au langage qui a été bien planté dans une personne par son intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la situation, il va passer à d'autres. Donc, s'il y a un hic, il est des fois en nous et dans notre façon de faire. Donc, il faut que nous revoyions notre façon de nous adresser à ceux qui sont plus âgés que nous et à ceux qui nous entourent, qui sont du même âge que nous aussi. Fasse Allah al-Azim, al-Plash al-Azim. جعلني وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله خير